Salutations Tedana, c'est le chef et vous écoutez Animer nos mélodies parce que c'est cool, ouais. Bonjour et bienvenue dans ce 18e et dernier numéro de la saison de Animer nos mélodies avant les vacances d'été. Au sommaire de ce numéro, un seul titre chroniqué, mais pas un des moindres puisqu'il s'agit de Makio Densetsu à Clue Bunch, l'Empire des 5. Ensuite, nous ferons un résumé de la saison avec tous les openings et endings des CD chroniqués depuis septembre et on finira avec le résultat de notre concours Facebook. En toute fin d'émission, je vous donnerai les résultats du concours et les lots que vous avez peut-être gagnés. Partons tout de suite dans un univers presque apocalyptique où seule une famille possédant un robot géant pourront, peut-être, sauver la Terre et ses humains en trouvant le trésor de l'Ascadis. Un robot appelé en France Tanrok. Venez d'écouter Yume no Kariudo, chanté par Yukio Yamagata. Au 21e siècle, dans une société ultra-scientifique, le professeur Kosig et ses 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, Antoine, Mathieu, Quentin, Jill et Ulrich, vivent dans une ferme sous-marine tout en effectuant diverses recherches. Kosig révèle un jour à ses enfants l'existence d'un mystérieux trésor caché il y a des milliers d'années. Le trésor des Ascadis, censé sauver l'humanité d'une catastrophe très proche. Malheureusement, il n'est pas seul dans sa quête, car les Logors, membres d'une société secrète démoniaque dirigée par Daros, sont aussi à la recherche de ce trésor qui leur permettra de réduire l'humanité en esclavage. Ils s'attaquent alors à la ferme qu'ils réduisent en cendres. Mais le professeur avait durant des années mis au point Tanrok, un robot géant modulable composé de 2 voitures, 2 motos, et un vaisseau, grâce auquel toute sa famille, accompagnée des 2 robots H2 et S04, va pouvoir alors se défendre et rechercher le trésor perdu. Makio Densetsu à Clue Bunch, soit à Clue Bunch, la légende du monde de l'effroi en français, est une série de 24 épisodes produits en 1982 par la Kokusai Eigesha, dont la diffusion française date de 1985 sur Antenne 2, en fin d'après-midi, tous les samedis. Du fait certainement d'une diffusion en week-end et en fin d'après-midi, la série a plus marqué les jeunes téléspectateurs de par son générique d'excellente qualité que par l'histoire. Pour ma part, je l'avais suivi à l'époque et j'avais été très surpris de son dénouement. On en reparle juste après avoir écouté le générique français. cherche sans fin. Le trésor fabuleux, l'ancien Ascalis. La terre sera sauvée si ils réussissent. Gilles et ses quatre frères finissent au fond des mers dans la paix et l'amitié. Jamais montrer de pitié, car tous les logores ont déjà décidé leur mort. Contre tous les dangers, c'est l'Empire des Cinq qui dans le monde entier recherche sans fin. Le trésor fabuleux, l'ancien Ascalis. La terre sera sauvée si ils réussissent. Un bruit de tonnerre plus vif que l'éclair, hache de traverse les nuages. On ne sait jamais d'où vient le danger, car il n'a pas de visage. Et il faut se battre pour protéger la liberté. Si l'on y prend garde, la terre sera condamnée. Contre tous les dangers, c'est l'Empire des Cinq qui dans le monde entier recherche sans fin. Le trésor fabuleux, l'ancien Ascalis. La terre sera sauvée. L'Empire des Cinq qui dans le monde entier recherche sans fin. Le trésor fabuleux, l'ancien Ascalis. La terre sera sauvée. Ce générique chanté par Olivier Constantin, aussi interprète du mythique Cobra, a été écrit, comme beaucoup à l'époque, par le fils de Jacqueline Joubert, Antoine Persavon, qui n'est autre que Antoine de Caunes. Ce générique contient beaucoup d'erreurs, signe qu'elle aura été écrite sur un synopsis encore en cours d'écriture, contenant des noms de personnages pas encore définis. Ainsi, Jill n'a pas quatre frères, mais trois et une sœur. Ulrich, dont le nom peu commun a dû tromper beaucoup de monde. PH2 n'est pas le robot principal, c'est Tandrock, bien entendu. Concernant la conclusion de l'histoire de cette série, il faut dire qu'elle aura divisé dans les cours de récré pour ceux qui l'auront suivi jusqu'au bout. Il s'agit d'une fin apocalyptique, mais aussi mystique, puisque seules 10 personnes seront sauvées par l'Ascalis, les faisant renaître vers une nouvelle terre. Pour en savoir plus, je vous pousse vraiment à redécouvrir cette série, certes qui accuse son âge, mais assez mouvementée pour ne pas s'ennuyer. L'ensemble reste agréable à regarder, malgré un doublage peu sérieux, avec des changements de voix sans arrêt. Par exemple, presque tous les personnages principaux ont eu au moins deux ou trois voix sur toute la série. Venons-en à la musique. Elle a été composée par Masahiro Maruyama. Je n'ai malheureusement à ce jour trouvé aucune information sur ce compositeur, ni ses travaux antérieurs ou par la suite. Musicalement, cela reste assez moderne, mais Maruyama Sensei donne un côté western bienvenu à cette histoire. D'ailleurs, les héros ne sont-ils pas costumés comme des cow-boys? Ou un brin fantaisiste en tout cas? Les moments d'action sont soulignés par des musiques orchestrales, soignées, restant en tête très facilement, comme celui de l'attaque finale de Tandrock ou la transformation des véhicules justement en Tandrock. Il est temps d'écouter quelques pistes de ce double CD et on se retrouve juste après pour un récapitulatif de la saison 2015-2016 de Animer nos mélodies. 波のきらら眩しい純よ君は素敵に生きて強く強く強くひたすらに走れ走れ走れああ君の笑顔が命の命の命のまばゆさおおああ走れ純走れ。 Vous venez d'entendre le ending Nagisa no Hotori par Isao Taira. Vous retrouverez les références de ce double CD sur le site de animenomelody.fr ou bien dans le lecteur de votre podcast. Pour finir cet animé No Melody, je me suis dit que ce serait sympa de retrouver tous les génériques japonais chroniqués durant cette saison 2015-2016. Nous allons ensemble faire le tour de toutes les émissions du 11 au 17, sauf les Omake. On commence avec le animé No Melody 11. Nous avions ensemble découvert Touch, Théo là-bas de la victoire, et son premier opening, Touch, justement. Captain Tsubasa, Olivier Tom, avec Hero Burning, et terminé avec Attacker You, Jeanne et Serge, avec l'opening Seishun Prelude. On se retrouve juste après. きっと愛する人は大切にして知らずに臆病なのね落ちた涙も見ないふりすれ違いや周り道をあと何回過ぎたら二人は触れ合うのお願いタッチタッチここにタッチなんて知らずに過ぎてゆくのにさっと悲しみにこんにちは 俺たちは何だろう。ボール一つにキリキリ舞いさ、ダッシュダッシュダッシュ、キックアンドダッシュ、いつか決めるぜイナズマシュート。 On continue avec le numéro 12, où l'on a écouté Yoroiden Samurai Troopers, les samouraïs de l'éternel, et son génialissime opening Stardust Eyes. Puis Project Echo, un film parodique avec la chanson Dance Away, et Chu Kaizoku Captain Harlock, alias Albator, le corsaire de l'espace. Et encore une fois, on se retrouve juste après. We'll be right back. きれぬふるさとさ。友よ明日のない星としてもやはり守って戦うのだ。命を捨てて俺は闇は俺の闇、俺の果てしない戦場さ。ろくろの旗は俺の旗、俺の死に場所の目印さ。友よ明日のない星となっても君は地球を愛していた。この星捨てて行きはしない。風は俺の風、俺の果てしないさすらいさ。空行く船は俺の船、俺の囚われぬ魂さ。友よ明日のない星と知るから、たった一人で戦うのだ。命を捨てて俺は生きる。命を捨てて俺は Dans Anime No Melody numéro 13, nous avons écouté l'opening Shining Soul de Shorato et celui de Mr. Hajiko, Renaissance Jonetsu, série connue en France sous le nom de Petit Chef. ルネ On passe le animé numéro 14, qui est un spécial animé d'humour, bien trop long à vous faire écouter ici, et on retrouve animé numéro 15 et son spécial Lodos, en écoutant le magnifique opening des OAV, Adesso e Fortuna. Dans ce spécial animé numéro 16 consacré à Bubblegum Crisis, nous avions écouté le fabuleux générique de l'OAV 1, Konya wa Hurricane. Eh bien, on le réécoute tout de suite. Pour terminer, le mois dernier, nous avions écouté ensemble dans Anime no Melody numéro 17 Ureshi Namida de la série Video Girl Eye, My Heart Hidesanai Your Heart Takishimaketai de Amagodess et l'opening de Heidi. Et bien voilà, c'est parti, on les écoute. Yeah. Avant de conclure cette émission, il est temps de faire le tirage au sort de notre premier jeu concours Anime No Melody. La réponse à la question donnée était la série Magic Knight Rayearth, de Clamp tout simplement, puisqu'il existe le manga mais aussi l'anime et le jeu sur Saturn. Je vais tirer au sort maintenant le gagnant des deux CD singles, dont un tiré donc de Magic Knight Rayearth avec Yuzurenai Negai, et un autre tiré d'une série qui s'appelle Twin Signal. Alors, j'ai devant moi un petit bol, vous ne le voyez pas puisque c'est de l'audio, mais j'ai devant moi donc un petit bol où il contient les noms des participants qui ont donné la bonne réponse. Alors, je vais devant vous, à l'audio, tirer au sort. Alors, le bruit, ça veut dire que je suis en train de touiller, hein, tout simplement. Et oui, voilà, hop. Et je ferme les yeux et je tire au sort un nom. Hop. Voilà, ça y est, j'ai tiré un nom. mon Dieu, qui ça va être? Et la gagnante est Christelle Bossello. Bravo Christelle, tu as gagné donc ces deux CD singles. Donc je le répète, de Magic Night Re-Earth avec Yuzurena Inegai de Naomi Tamura. Et Twin Signal, qui est un CD en fait qui n'est pas vendu puisque c'est une édition limitée qui a été offerte en fait à ceux qui ont acheté les DVD à l'époque, enfin le DVD, les VHS plutôt à l'époque. Donc c'était un cadeau, donc ce n'est pas à vendre, il y a même un numéro de série qui est dessus. Merci à vous d'avoir participé à ce premier concours. Animé nos mélodies est terminé. On se retrouve normalement pour un Omake en juillet ou en août avec mes compères Yann Kouza et Ryudoka. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Mes partenaires ou amis comme Thierry Bénard, Yannick Rowe pour les musiques de l'émission, Olivier Fallet, Rui Pasquale, Kathleen Boucher alias Cyrulane, Eric Bouvet, Yann Kouza, Ryudoka, 80s le podcast et plus particulièrement Mikado Twix, Reno, Christophe San, Planète Jeunesse, Otaku No Prod, PodCloud, Pod Radio et tous ceux à venir. On se quitte sur la chanson Yuzurenai Negai de Naomi Tamura de Magic Night Re-Earth. Et n'oubliez pas que la musique d'animé, ce n'est pas que pour les Japonais. A très bientôt! だけど。